Chapitre 14. Prouesse de Maître Loïs. Reine n'eut que le temps de se rejeter en arrière vivement et de se coller à la paroi extérieure du cachot. À l'intérieur, elle entendit une grosse et joyeuse voix qui disait « On vous y prend, messire Aubry, toujours vaillant à la lune ?» Par Saint-Bruno, mon patron, n'avez-vous pas assez du jour pour songer cru? Allez, si mon devoir ne m'appelait pas ici à cette heure, je ronflerais comme le maître serpent du cœur, moi qui vous parle. Moi, je n'ai pas sommeil, mon bon frère Bruno, répondit Aubry, qui aurait voulu le voir à 100 pieds sous terre. Eh bien, je ne m'y connais plus, s'écria le convert. De mon temps, les jeunes gens dormaient mieux que les vieillards. Mais, après tout, c'est la tristesse qui vous pique, mon gentilhomme, et je conçois cela. Que Saint-Michel me garde, j'ai été soldat avant d'être moine, et je dis que vous avez bien fait de jeter votre épée aux pieds de ce pâle coquin qui a empoisonné son frère. Bruno, interrompit sévèrement le jeune homme d'armes, il ne faut pas parler ainsi devant moi de monseigneur le duc. Bien, bien, je sais que vous êtes loyal comme l'acier, messire Aubry. « Je vous aime, moi, voyez-vous, et si j'étais le maître, vous auriez la clé des champs à l'heure même, car c'est une honte à l'abbaye de Saint-Michel de servir de prison à ce damné de François. »« Bien, bien, je retiens ma langue, messire. Je disais donc que vous êtes un joli homme d'armes, mon fils, et que pour tout au monde je ne voudrais pas vous faire de la peine. Et tenez, ajouta-t-il d'un accent tout à fait paternel, si vous me disiez quelquefois… « Frère Bruno, je boirais bien un flacon de vin de Gascogne. Pourvu que ce ne fût ni quatre temps ni vigile, je ne me fâcherai pas contre vous. » L'excellent frère Bruno parlait ainsi avec une volubilité superbe, sans virgule ni point, et pendant qu'il parlait, son franc visage souriait bonnement. C'était presque un vieillard, une tête chauve mais joyeuse et pleine, qui avait bien pu être autant jadis la tête d'un vrai luron. Depuis qu'Aubry était prisonnier dans les cachots de l'abbaye, frère Bruno faisait son possible pour adoucir la rigueur de sa captivité. À l'heure des rondes, il ne passait jamais devant la cellule d'Aubry sans y entrer pour faire un doigt de Cosette. Aubry l'aimait parce qu'il avait reconnu en lui un digne cœur. Il laissait le frère Bruno lui conter les détails du dernier siège du mont. Le bon moine s'était refait un peu soldat pour la circonstance. Il aurait voulu que le mont fût assiégé toujours. Mais les Anglais, vaincus, avaient abandonné jusqu'à leur forteresse de Tombelaine après l'avoir préalablement ruinée. Les jours de fête étaient passés. D'ordinaire, Aubry recevait avec plaisir et cordialité les visites du moine. Mais aujourd'hui, nous savons bien qu'il ne pouvait être à la conversation. Pendant que frère Bruno parlait, il rêvait. Bruno s'en aperçut et se prit à rire. « Je ne veux pourtant pas vous déranger, dit-il, car je pense que vous ne recevez pas de visite. » Aubry s'efforça de garder un visage serein. « Mais j'y pense, reprit le moine en riant plus fort. On dit que le lutin de nos grèves, qui avait disparu depuis 100 ans, est revenu. Les pêcheurs du monde ne parlent plus que de la bonne fée depuis 15 jours. Vous étiez là, perché à votre lucarne, quand je suis entré. » Peut-être que la fée des grèves était venue vous voir à cheval sur son rayon de lune. Assurément, le frère Bruno ne croyait pas si bien dire. Aubry rêvait toujours. À propos de cette fée des grèves, poursuivit le moine, il y a des milliers de légendes, toutes plus divertissantes les unes que les autres. Vous qui aimez tant les vieilles légendes, messire Aubry, vous plairait-il que je vous en récite une? Se disant, le frère Bruno s'asseyait sur la paille du lit et déposait sa lampe à terre. L'idée de conter une légende le mettait évidemment en joie. Aubry le donnait au diable du meilleur de son cœur. Au temps de la première croisade, commença frère Bruno, le seigneur de Châteauneuf, qui était Jean de Rieux, vendit tout jusqu'à la chaîne d'or de sa femme pour équiper 100 lances. M'écoutez-vous, messire Aubry? Pas beaucoup, mon bon frère Bruno. La légende que je vous conte là s'appelle la grotte des saphirs et montre tous les trésors cachés au fond de la mer. Je n'irai point les équerrir, mon frère Bruno. » Jean de Rieux, ayant donc équipé ses 100 lances, reprit le moine Convert, poussa jusqu'à Dinan, suspendre un médaillon béni à l'autel de Notre-Dame. Puis il partit, laissant sa dame, la belle Aliénor, aux soins de son sénéchal. Aubry bâilla. Jamais je ne vis chrétien bâiller en écoutant cette légende, messire Aubry, dit le moine un peu piqué. Et cela me rappelle une autre aventure. Oh, mon bon frère Bruno, si vous saviez comme j'ai sommeil. Mais tout à l'heure vous prétendiez. Sans doute, mais depuis. Ah, c'est donc moi qui vous endors, messire? Demanda le moine en se levant. Vous ne le croyez pas, mon excellent frère. Aubry lui tendit la main. Le moine la prit sans rancune et la secoua rondement. Allons, s'écria-t-il. Pour votre peine, vous ne m'entendrez jamais vous conter la légende de la grotte des saphirs, qui est au fond de la mer. Bonne nuit donc, messire Aubry. N'oubliez pas vos oraisons et faites de bons rêves. À peine la porte était-elle refermée, qu'Aubry se suspendait de nouveau à l'appui de la meurtrière. Reine, ô reine, dit-il. Que Dieu vous bénisse pour avoir eu cette pensée d'acheter une lime. Nous sommes sauvés. Puissiez-vous ne point vous tromper, Aubry. Demain soir, ce barreau sera tranché. Mais pourriez-vous passer par cette fente étroite? J'y passerai, dussé j'y laisser la peau de mes épaules et de mes reins. Une fois que vous serez passé, mon pauvre Aubry, aurons-nous seulement un ennemi de moins? Vous aurez un défenseur de plus, reine, cria le jeune homme avec enthousiasme. Écoutez, pendant que ce bon moine était là, je rêvais et je me souvenais. Sait-on ce que peut un homme de cœur, même contre une multitude? Avec Loïs pour combattre les lévriers de Rieux, et moi pour combattre les hommes d'armes du mécréant Méloir, par Saint-Brieuc, j'irai à la bataille d'une âme bien contente. Je ne sais, voulut dire la jeune fille. Écoutez, écoutez, reine, poursuivit Aubry avec une chaleur croissante. Vous ne connaissez pas maître Loïs. C'est un preux à sa façon, j'en fais serment. Une fois, il y a 2 ans de cela, mon noble père, qui était malade à la mort, eut envie de manger des lombes de daim. Les daims s'en vont de notre Bretagne, mais il y en a encore dans la forêt de Jugon. Je dis à mon père, « Messire, je vais vous quérir un daim. » Il sourit et me donna sa main pâlie. Quand un homme va mourir, il a des désirs fous comme les enfants ou les femmes. Je pris maître Loïs et je descendis vers l'emballe. Nous marchâmes, lui et moi, tout un jour. Au revers de la forêt du Jugon s'élève le manoir des anciens seigneurs de Kermel, habité maintenant par le juif Isaac Helles, argentier du dernier duc. Isaac avait 6 fils qui se prétendaient maîtres de la forêt. Tous grands et robustes, bruns de poils, la bouche rentrée, le nez en bec d'aigle, comme les gens d'Orient. Si quelqu'un, gentilhomme ou vilain, chassait dans la forêt, les fils d'Isaac Helles venaient et le tuaient. On savait cela. Ils avaient une meute dressée à fondre sur les braconniers à leurs chiens. J'arrivai à la nuit tombante sur la lisière de la forêt de Jugon. Maître Loïs releva la piste dès les premiers pas, mais il était trop tard pour chasser. Je connus les traces et je fis une lieue dans la forêt pour choisir un affût. J'avais pour arme mon épieu et mon couteau. Un bon épieu, reine, fort comme une lance et pointu comme une aiguille. J'attachai maître Loïs au tronc d'un châtaignier et je lui dis « Couche !» Il ne bougea plus. Le daim arriva, trottant de le tailler. Maître Loïs faisait le mort. Quand le daim passa, je lui plantai mon épieu sous l'épaule. Il tomba sur ses genoux et je l'achevai d'un coup de couteau dans la gorge. Maître Loïs poussa un long hurlement de joie. Et alors, comme si ce cri eût évoqué une armée de démons, la forêt s'illumina soudain. Des torches brillèrent à travers les arbres, la trompe sonna. Je vis des cavaliers qui accouraient au galop, excitant des chiens lancés ventre à terre. Je me dis, voici les fils d'Isaac Helles, le juif, qui viennent avec leur meute pour me tuer. D'un revers, je coupai la courroie qui retenait Loïs, et je pris mon épieu à la main. Loïs ne s'élança pas, il resta devant moi, les jarrets tendus, la tête haute. Les juifs criaient déjà de loin, « Sus, sus !» Il y avait un grand chêne qui s'élevait à la droite de la voie. J'allais m'y adosser pour ne pas être massacré par derrière. À ce moment-là même, les fils d'Isaac, avec leur meute et leur valet, tombèrent sur nous comme la foudre. Je vois encore leur visage, long et cuivré, à la rouge lueur des torches. Vous dire exactement ce qui se passa, reine, je ne le pourrai pas, car je ne le sais guère moi-même. Un tourbillon s'agitait autour de moi. Je recevais à la fois des coups par tout le corps. Mon front s'inondait de sang et de sueur. Je me souviens seulement que je disais, de temps en temps, machinalement et sans savoir, « Hardi, maître Loïs !» Je me souviens aussi que je le voyais toujours devant moi, muet au milieu de la meute hurlante et travaillant Dieu sait comme. Mon épieu se levait et retombait. Je commençais à ne plus sentir mes blessures, ce qui est signe qu'on va s'évanouir ou mourir. Aubry s'arrêta pour reprendre haleine. En ces temps où toute vie traversait des dangers violents, la délicatesse des femmes, loin de répugner à de pareils récits, doublait l'intérêt qu'elles y portaient. Elles n'avaient plus horreur du sang pour avoir pansé trop de plaies. Reine écoutait, haletante. Elle était avec Aubry dans la forêt, au pied du grand chêne. Les torches l'éblouissaient, le bruit l'étourdissait. Elle saignait par les blessures d'Aubry. Hardi, maître Loïs, défends ton maître. Pourtant, reprit Aubry, dans la simplicité de sa vaillance, je voulais rapporter les lampes du daim à monsieur mon père qui en avait désir. Comme je sentais bien que j'allais tomber, je me dis « Allons, Aubry, un dernier coup de boutoir. » Et je quittai mon poste comme une garnison assiégée qui fait une sortie. Et je brandis mon épieu. Et je frappai, merci de moi, tant que je pus. Il me sembla que les torches s'étaient éteintes et qu'il n'y avait plus personne devant moi. Je crus que c'était le voile de la dernière heure qui s'étendait sous mes yeux. Je me laissai choir. Je restai là bien longtemps. Quand je m'éveillai, le soleil se jouait dans les hautes branches des arbres. Maître Loïs, le poil sanglant, léchait mes blessures. Autour de moi, gisant sur l'herbe, il y avait 6 cadavres qui étaient les 6 fils d'Isaac et Lès. Pour sa part, maître Loïs avait étranglé 2 juifs et une demi-douzaine de chiens. C'est une bonne bête que maître Loïs. Je dépeçai le daim. Ne pouvant l'emporter tout entier, je pris le filet avec les longues et je revins au manoir un peu maltraité mais content. Mon vieux père, qui n'y voyait plus, ne sut pas que j'étais blessé. Il fit en souriant avec les longues du daim son dernier repas qu'il trouva fort bon et puis mourut. Telle fut la conclusion du récit d'Aubry. Comme Reine écoutait encore, il ajouta « Que Dieu me donne cette joie de me voir avec maître Loïs à mes côtés et une arme dans la main au milieu des soudards de mon cousin Mélois. Je ne lui demande pas autre chose. » « Vous êtes brave, Aubry, » dit Reine doucement. « Vous serez un capitaine. Oui, vous avez raison. Si vous étiez libre, nous pourrions sauver mon père. » « Eh bien donc, » s'écria le jeune homme en donnant le premier coup de lime au barreau, « travaillons à ma liberté. » L'acier grinça sur le fer. Aubry était bien mal à l'aise, mais il y allait de si grand cœur. « Et maintenant, Aubry, » dit Reine après quelques instants, « que Dieu soit avec vous, je vais me retirer. » « Déjà ? Il y a 2 jours que mon père m'attend. Mais la mer est haute, elle baisse, et s'il reste de l'eau entre Tombelaine et le mont au point du jour, il faudra bien que je la traverse à la nage. »« À la nage ? » se récria Aubry. « Ne faites pas cela, reine, le courant est si terrible. » « Mais si je traversais de jour, on me verrait, et la retraite de mon père serait découverte. » Aubry ne trouva pas d'objection, mais toute son allégresse avait disparu. La lune tournait en ce moment l'angle des fortifications. Un reflet vint à l'épaule de reine, puis la lumière monta lentement, se jouant dans les plis de son voile noir et parmi ses cheveux blonds. « Quand je traverserai la mer à la nage, » dit Reine, « je serai moins en danger qu'ici, mon pauvre Aubry. »« Pourquoi ? Parce que la lune luit pour tout le monde, » répliqua Reine. « L'archer qui est sur la plateforme. »« Il vous voit ? » interrompit Aubry d'une voix étouffée par la terreur. « Oui, » répondit Reine, « le voilà qui tend son arbalète. »« Fuyez, oh fuyez !» Reine lui fit un adieu de la main et se baissa. Un trait siffla et rebondit sur les roches. Aubry se laissa choir au fond de son cachot, puis il se reprit encore à la saillie de Pierre. « Reine, reine » cria-t-il, « un mot par pitié !» Un second trait vint frapper l'extrême pointe du rocher, la brisa et fit jaillir une gerbe d'étincelles. Aubry sentit son cœur s'arrêter. En ce moment, dans le silence de la nuit, une voix déjà lointaine s'éleva et monta jusqu'à sa cellule. Elle disait « Au revoir !» Aubry se mit à genoux et remercia Dieu comme il ne l'avait jamais fait en sa vie.